microphone. Celle-ci est dédiée à ceux qui ont grandi avec ou autour de moi. Ces quatre saisons, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, les quatre saisons. À cette époque, j'étais qu'un môme. Je devais grandir et devenir autonome. C'était le BMX Rome et qui pisse le point pour viser le trône. On portait le survêt Challenger, des Timberland Rangers. Les premières colonies de vacances, ça s'oublie pas gros. On a tout joué au billet, le meilleur c'est celui qui avait le calot. On te souvient de sa première go à qui on a roulé le premier palo. De l'afro crâne rasé, s'en est passé des années. Des booms du quartier aux discothèques, combien de fois on s'est fait refouler. Et puis on revenait en boudé parce qu'on était trop goudé. Au départ y'avait rien, aujourd'hui y'a rien mais je ressens quelque chose. Plus rien n'est magique parce que la violence est devenue chronique. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Je te raconte ces aventures il y a 10 ou 20 ans en arrière. Et quel coup dur de plus pouvoir péter dans l'eau avec mes potes d'hier. Mes camarades de classe ont grandi. Y'en a qui chôment, y'en a qui taffaient, certains sont bandits. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer, ouais. Aujourd'hui je suis amoureux, c'est des visions. C'est le négro à casquette, pendu au panier de basket. À l'école y'avait raquette, aujourd'hui c'est le Paris Rasdette. Putain l'époque change comme les potes. Ça me laisse un goût amer comme ces grosses crottes que t'as gardé toute une semaine sur tes semaines. Tout le monde parle de l'an 2000, mais ça sera jamais comme avant. Parce qu'aujourd'hui y'a les têtes, l'hypocrisie, mon grand. Un homme construit son monde dans l'espace et puis ça fonctionne. Pendant que nos petits frères s'abrutissent en jouant à la PlayStation. Des dominos devenus mineurs, puis des mineurs devenus majeurs. On a tous grandi dans le secteur. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, comme on dit. Je me rappelle aussi différents types, mon groupe. On a porté le jean avec les chapes sur le côté et les troupes. Mes débuts avec Mista, la cave à la TV, les petits délits avec la Lispo. Mais Manu a grandi, j'ai pu la morfonner. Mais aux amis disparus et les rêves envolés. On était massifs et petits, y'avait les vanneurs, les tapeurs et même les rorties. Des scooters, des Walkman, Sony à Darty. Bref, on se confie nos secrets quand on est môme. Une fois qu'on grandit, on disparaît comme des fantômes. Les mecs de mon âge ont changé avec la rage et les tripes. Maintenant y'a des stars, les rappeurs qui s'affichent dans les vidéoclips. De mon balcon, je regarde l'horizon. Nombreuses sont les raisons, les saisons qui ont changé ma vision. Manu Chey, 2000, tu vois ce que je veux dire, on a grandi. On a grandi. Toi aussi t'as grandi, hein. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, allez, tu me comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, allez, tu me comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, allez, tu me comme on dit. Et puis j'ai grandi, nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits, allez, tu me comme on dit. Les petits hominos devenus mineurs, puis les mineurs devenus majeurs. Ah ouais. Et puis j'ai grandi. Et puis j'ai grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Nous aussi on a grandi. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. On a grandi, ouais, hein. Ouais, 4 saisons, dédicace. Ouais, vous dites encore.